Menton fourchu, bouche d'argent, nez quinquin, joue rôti, joue bouilli, titeuil, gros teuil, sourcillon, sourcillette, cogne, cogne la caboche. moi, grand-papa. Ouais, OK, attends un peu. Menton fourchu, bouche d'argent, nez quinquin, joue rôti, joue bouilli, petit œil, gros œil, sourcillon, sourcillette, cogne, cogne la caboche. Beau grand-papa.